Donc du coup, vous êtes en voiture, en route pour ce truc. Il est à peu près 10h30. Allez, 10h30, 11h. Morgane, ton téléphone sonne. Oui, allô? Morgane? Oui. Si, Karamit. On est arrivé du coup à ce qui potentiellement l'appartement de Sarah. On a trouvé quelques informations qui, je pense, peuvent vous intéresser. Je sais pas ce qui se passe vous pour l'instant de votre côté. Est-ce que vous avez des informations avant que je commence Bah écoute, nous de notre côté. À part une ombre dans la. Dans la salle de banque, j'ai cru voir de mes propres yeux. Vous avez posé une caméra là-bas ? Oui. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tes caméras sont fiables ? Oui, totalement, oui. Là, après, pour le coup, c'est pas mon matériel, mais. Tu sais que c'est du bon matos, honnêtement. Exactement. Ouais. Enfin, il y a peu de chance. Non, parce que la caméra qui était dans la chambre de la gamine a commencé à grésiller. À un moment donné, j'avais presque plus d'image, quoi. Donc, on a fait reprendre la chambre. Je regarderai les enregistrements qu'il doit avoir sur mon PC pour essayer de voir s'il y a un problème quelconque. D'accord. Je pourrais identifier. Mais normalement. On tient au courant. Genre de matériel est plutôt fiable. Vous avez fait quoi du coup? Parce que je sais pas si elle a entendu. Elle a compris ce que vous avez fait, Lynn. On a fait éruption dans la chambre. Et du coup, on est peut-être plus en bon accord avec les parents. Ouais, ça à prévoir avec ce genre d'entrée, oui. C'est pour ça que je préfère être travailler dans le système informatique. Il était 2h30. J'ai vu une ombre, j'ai pas réfléchi. C'est pas grave. Je comprends et la sécurité est importante. Ce qui compte, c'est qu'on continue à mener à bien la mission malgré tout. Bon, du coup, nous, niveau information, l'appartement est en abandon depuis un moment. Notre théorie qui semblait invalide. L'appartement de la mère ? Oui. Oui. Parle-leur de l'entrepôt. t'inquiète. Je le fais dans l'ordre, du coup, dans l'ordre auquel on a reçu les informations d'abord. Du coup, dans cet appartement-là de Sarah. On a trouvé une carte qui présentait des punaises et des tracés au fil, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Du coup partait de Chicago et descendait au fur et à mesure des États-Unis. Ça s'arrête vers l'Alabama. Ouais, ça s'arrête juste vers l'Alabama. Le reste, ça continue avec des gribouillis, mais clairement, ça fait un chemin vers la Floride. Donc je pense que finalement, la théorie que la mer est en direction vers la Floride où il y est déjà n'est pas en direction si improbable. Oui, déjà, ouais. Autre point, on sait qu'elle a un véhicule, elle a une Jeep. Même si les factures sont à payer, pour l'instant elle semble toujours garder le véhicule. Donc si jamais vous voyez, alors j'ai pas plus d'informations sur le véhicule. Je sais juste que c'est de marque Jeep, mais je n'ai pas la couleur, je n'ai pas le modèle, etc. Mais au moins gardez ça en tête, ça tombe jamais. Je sais que personne n'était intéressé, mais parle-leur peut-être de signaler la présence d'un véhicule à la police, parce que bon, comme elle a touché à ses enfants, je sais pas trop comment ça marche dans cet état-là en Floride, mais sûr qu'il y a peut-être des choses. Il y a moyen de contacter la police pour voir ce qu'ils en pensent. Pour se dépêcher, parce que nous là en fait on est sur une autre piste qui mène vers un local qui est la chose qui continue de payer encore un corps, donc il y a avoir des choses assez précieuses là-bas. On vous tient au courant. Autre chose, j'ai trouvé un poème dont je ne comprends pas le sens. J'ai pas le temps de faire des recherches, donc si jamais vous avez un temps mort, je vous envoie le poème que nous avons trouvé là-bas par message juste après notre conversation. C'est tous les éléments qu'on a pu trouver. Le reste est assez inutilisable. Hein. C'était un vrai, un véritable dépotoir. Bon, je sais pas de votre côté où est-ce que vous en êtes, mis à part de vous être fâché avec la famille. Non, moi j'ai essayé de descendre un petit peu dans les bas. Non, c'est vraiment la petite raquette du quartier, rien d'intéressant. Et demande-leur si ça fait pas partie de ce qu'ils disent dans Dead Poets Society ou je sais pas quoi là. De quoi ? J'ai de toute façon, on est en haut-parleur, hein, si tu parles, ils t'entendent. C'est plus pratique. Ah, ouais. Bon, mais regardez dans le film avec Robbie Williams là. La solution est dans le film. Écoute, j'ai pas le temps d'aller au cinéma, mec. La séance, c'est trop cher. T'inquiète pas, tout est affrayé, on te dit. Ok, bon, vous nous contactez si vous avez du coup plus d'informations. Nous, on vous contacte sûrement après avoir visité ce local. Faites attention à vous, je t'envoie le message et soyez vigilants parce que la thèse de la mer devient de plus en plus probable. Ok, pas de soucis, on fera gaffe s'il y a une jeep qui arrive dans le coin. Brûler toutes les jeeps. Terrorisme. Bon, du coup, on va se laisser là. Moi, j'envoie le message contenant le poème. Et ça parle de yaourt. Merci. Voilà. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir du coup vers votre destination. Et pendant que vous êtes en train de rouler, nous allons voir ce que font nos amis sur place à Tampa. Alors, c'est le matin, comme je dis, il est à peu près 11h, à peu près. Vous avez fini votre discussion avec vos collègues. Vous avez ce fameux poème qui a l'air assez incompréhensible. Que faites-vous Et ben on va regarder sur internet s'il y a des explications sur ce poème. Ouais. Bah comment ça vous faites comment pour trouver des... Bah déjà on va le copier-coller dans le moteur de recherche. Déjà. Du coup, vous cherchez des trucs sur ces phrases. Et honnêtement, vous avez beau chercher partout, nulle part. C'est rien du tout. Que peut-être regarder sur les forums un petit peu sataniques. En lien avec l'occulte, le spiritisme. Vous cherchez. Vous trouvez un vague truc sur Yog-Sothoth, mais comme quoi c'est un dieu limite oublié d'un truc, mais limite c'est tellement vague, et puis c'est tellement compliqué parce que c'est pas un domaine qui est pour vous quelque chose de normal, hein, c'est pas vous êtes... donc pour vous c'est ouais, ça parle d'un... Ce serait un dieu quelconque. Voilà. Mais pas plus que ça. Honnêtement, c'est très, très vague pour vous. C'est compliqué. Ok. Donc, j'imagine qu'on peut pas pousser plus les recherches. On a... Bah là, honnêtement, sur ces phrases-là, ouais, vous sentez que vous êtes pas... Vous êtes pas calé. C'est vraiment pas votre domaine. On est pas calé, voilà. Ah, c'est pas votre domaine. En tout cas, personnellement, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est la divinité dont on a déjà parlé, qu'on a trouvé sur la porte, là. Ouais. Le symbole. Il me semble qu'un de ces noms ressemble à notre nouveau bonhomme ici. Ouais. Attends, il faut que je retrouve le nom. Ouais, en fait, tu avais Kor, Kos... Yos, c'était des noms qui revenaient de ce que vous a dit Lyd. Et de la fameuse déesse des enfers, de l'enfer, vous des enfers, j'ai... un truc comme ça, ça que vous vous rappelez, et ce fameux rituel de catabasis sur la descente physique dans l'enfer, quoi. Dans les bas-fonds, ouais. Dans les bas-fonds, ouais. Et donc, ouais, ce poème, il a été trouvé dans l'appartement de la mère. Ouais. Ok. Ça confirme ce qu'on pensait déjà. Bon, à ce moment-là, au bout d'un moment, vous voyez quelqu'un qui vient toquer à la fenêtre de votre. Oui. Je vois que c'est le père. Il dit ouais. Bonjour monsieur. Oui. Bon, c'est occupé. Non. On va peut-être non, répondre. Hein. Bah, écoutez, par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. Bon, là, c'est un peu redescendu. On comprend que vous faites ça pour protéger et tout, mais après, essayez quand même de. Prochaine fois, si vous voyez. Si vous devez intervenir, je vous laisse mon numéro de téléphone. Ou sonnez, tout simplement, et on viendra ouvrir. Hein, mais, oui. S'il vous plaît. On comprend, il n'y a pas de soucis, mais. Là, on vient à peine de calmer la petite, elle était terrifiée de ce qui passait. Bon, Evelyne, ça va mieux, mais. Comprenez que c'est pas trop les méthodes d'habitude, on n'est pas trop habitué à ce genre de choses, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a. Ouais, on s'excuse. On pensait être en situation de. Excuse. Est-ce que vous voulez peut-être un petit quelque chose à manger, peut-être vous avez mangé? Vous avez pris un petit déjeuner, quelque chose? Oui, c'est bon, on a ce qu'il faut. Merci. Ok, d'accord. Écoutez, bah, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, écoutez, je suis à la main. Je referme la porte, j'attends que le père s'éloigne un petit peu de 10-20 mètres. Mm-hmm. Je regarde mon coéquipier et je lui dis tu trouves pas que c'est chelou qu'il soit tous hyper gentils comme ça? Je dois dire que de la part du type, ça en effet ça me perturbe. J'aurais pensé que ce serait la femme qui serait revenue après. Ouais, ils sont toujours dans la main. Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre en effet, mais pas plus que ça, cependant. Alors, que faites-vous, mes amis? Vous restez dans la voiture? Bah. Là, clairement, vous avez vos PC, hein, enfin le PC qui a. Ouais. Qui, vous avez les enregistrements de ce qui s'est passé cette nuit. Après, vous avez une porte qui est tombée. là, tu sens que tu vous avez vu Chad un peu plus tôt partir à l'école, que vous avez même pas calculé. Catherine est restée à la maison et les parents aussi. Pour moi, je pense qu'on peut, on a qu'un seul véritable élément exploitable pour le moment, c'est la Jeep. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un tour du coin pour voir si on trouve la Jeep. Mmh. Et limite se séparer même pour essayer de quadriller un peu. Ok. Bah écoutez, toi tu vas à pied, tu fais le tour du pâté de maison, alors en même temps, bon, à pied... C'est moi qui vais à pied? Non, moi. C'est cool. Ok. Voilà, Kenny il fait le tour du pâté de maison à pied. Après, voilà, sur le peu d'informations que t'as, c'est une Jeep. Alors, effectivement, tu vois des Jeeps, mais tu vois quand même que c'est des Jeeps qui appartiennent aux voisins. Enfin, voilà, c'est pas des véhicules qui sont là, qui traînent comme ça, même la rue. Puis après, bah, voilà, des Jeeps, il y en a. Y a un paquet, quoi, c'est compliqué. On est en Amérique. Mais de Jeeps, de voitures suspectes dans ce quartier. En soi, Il y a rien comme ça là dans le quartier pour toi, Yannick, qui te fait penser que il y a plus une voiture suspecte qu'une autre. En état actuel des choses. À la limite, peut-être passer au poste de police le plus proche pour voir s'ils ont, je sais pas, des fiches, enfin qui datent de justement l'époque où les faits avec la mère sont passés. Pas un truc en rapport avec la mère, mais des trucs qui sont passés à la même époque. Ils étaient pas là à cette époque. Ils étaient à Chicago. C'était après. Pour moi. Je sais pas, au commissariat, peut-être essayer de voir aussi pour la Jeep. Hein, ouais, à la limite. Déposer un truc pour que les agents fassent gaffe s'il y a une Jeep suspecte. Ok, bah écoute, vas-y, qui c'est qui va? Bah on y va tous les deux, je pense. Vous y allez tous les deux? Bah écoutez, vous arrivez devant le commissariat de Tampa, Tampa PD, vous rentrez à l'intérieur, là, vous avez une personne, un gars classique, le flic de base, qui vous accueille. Bonjour messieurs, que puis-je pour vous? Salut. On est sur une affaire très importante. On est juste là pour vous demander si vous pouvez faire gaffe. Vous mais une affaire, c'est-à-dire, vous êtes de quelle agence? Vous êtes vous êtes pas d'ici, vous êtes pas de Tampa, vous. Non, vous on n'est pas d'ici, on est d'une agence mission secrète. Hein? Mission secrète. On est du FBI. On est du FBI. Oh, dites-le, faites pas la mission secrète. On n'est pas des. Je sais que vous avez pas. Mais bon, il fallait que je sorte mon grand jeu. Ah, ok, d'accord. FBI, ok. Vous savez comment on est, c'est... nous autres. Ok, donc il note vos badges, vos noms, vos blazes. Hein, donc, ok. Agent Kemao, agent Morgan. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Mon écran s'éteint. Si vous pouvez juste vérifier si vous trouvez pas des jeeps suspects dans le coin. Des jeeps. Si vous avez pas déjà eu. Oui. Si vous avez pas déjà eu des histoires par rapport à une jeep suspecte ces derniers temps. Écoutez, attendez. Il y a trop longtemps. Il regarde. Jeep suspecte. Ouais, on a eu un vol de jeep. Il y a 2 mois, mais bon, le gars était coffré. Attendez. Là, on a une Jeep qui a brûlé. Non, pas grand chose. Non, rien de spécial, mais que vous avez. C'est quoi le modèle? Enfin, vous avez un modèle, une plaque, quelque chose? Non, on n'a rien. Ça va être compliqué, hein, de. Malheureusement, rien. Écoutez, essayez de revenir quand vous aurez un peu plus d'informations là-dessus, et puis j'essaierai de... Non, mais tout ce qu'on vous demandera, c'est d'ouvrir les yeux et de faire de vérifier s'il y a quelque chose. Ok, écoutez, si jamais vous avez un numéro où je peux. Oui, je lui passe le numéro du téléphone. Jetable. Très bien, on a le modèle de la Jeep. Et c'est quoi? C'est une Cherokee. Cherokee. Ouais non, là j'ai rien. Mais écoutez, je mets ça de côté. Et dès que j'ai quelque chose, je vous contacte. Si on a un truc de suspect ou quoi que ce soit avec une Jeep Cherokee. Vous avez rien non plus, j'imagine, sur une femme suspecte qui resterait d'un peu trop longtemps au même emplacement, comme j'ai dit pour la Jeep, ce genre de choses. Bon, là, c'est très vague ce que vous nous demandez là. Est-ce que vous me demandez une femme suspecte Allez, on est en Floride, donc pas important. Non, écoutez, je vais regarder. Écoutez, femme suspecte. Ça, non, c'est pas possible. Viol, non, c'est pas ça. Attends, revenez là-dessus un peu. Viol, non, c'est une femme qui s'est fait violer par son mari. Ah d'accord, non, ok, d'accord. Non. Non, il n'y a rien, du moins rien qui sorte de l'ordinaire qui nous faut à l'œil. Hein. C'est plus des cas de faits divers, trucs de famille, quoi, que ce soit des. Voilà. Ok. Mais écoutez, je note ça, et si j'ai quelque chose, pas de souci, je vous contacte. On fait comme merci ça ? Merci beaucoup, non. C'est très aimable. Allez, bonne journée, bon courage dans votre affaire. Pas de souci, bonne journée à vous. Ok. Vous faites quoi là ? Je crois que ça fait un boulot de merde. Non. Vous retournez à la maison ? Bah ouais, écoute. Ok. Ouais. On a plus grand chose bon, à. Bon, à la limite, la ville, c'est. Est-ce qu'on sait si c'est une ville plutôt ancienne ou pas ? Une ville ancienne ? Si elle a une histoire, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Bah. Comme plein de villes, en fait, elle a une histoire normale, quoi. Tampa, c'est pas non plus une vieille ville, mais c'est pas une jeune ville non plus. C'est une basique. À la limite, peut-être, je sais pas, peut-être passer à la bibliothèque pour voir dans le rayon légende et légende du coin et légende. Pourquoi je comprends pas pourquoi. Dans quel. Bah, justement, par rapport au poème, ça peut. Je propose. Mais on peut toujours essayer, j'imagine. Bah écoutez, vous avez vu, il y a la bibliothèque centrale de Tampa, enfin la grande bibliothèque. Vous allez là-dedans. Vous passez au moins. Bien 2-3 heures, enfin 2 heures, allez, du coup il est quasiment 16 heures, et vous trouvez absolument rien du tout. qui a un rapport avec ce poème et tout ça, hein. Je dirais, il y a absolument rien. Des légendes, il y a des légendes, la licorne, les farfadets, si tu veux, mais il n'y a rien du tout. Ok. C'est un prix. Ils auraient pas pu inventer moins de conneries à l'époque. Du coup, vous retournez à votre véhicule, enfin à votre position ou pas, ou vous refaites, vous allez chez McDo, vous allez vous nourrir. Oh, un petit McDo, ça ferait pas de mal. Là. Il faut qu'on mange quand même. Bah écoute, je vous accorde, vous allez chez McDo et puis vous retournez tranquillement devant la maison. Est-ce que vous continuez quand même malgré tout à zioter les caméras au cas où Oui, évidemment. Okay, ouais. Ok. Bah écoutez, on va repasser aux autres. Ok. Ouais. Donc vous étiez en route pour ce fameux Lockdammer Safe Storage. Donc quand vous arrivez devant, vous voyez que c'est une entreprise de stockage qui a 4 niveaux, que toutes les installations sont climatisées et que vous voyez en gros sur un panneau qui marque qu'il y a 40 emplacements de stockage de 20 pieds sur 15 à l'intérieur. Donc en gros 6 mètres sur 5. Pour donner une idée de la taille des machins. Et ça à chaque étage. Quand vous arrivez, donc c'est un truc du 24 sur 24. Hein. C'est un truc ouvert tout le temps. Et pas, ça ferme jamais. Quand vous arrivez devant le truc, vous voyez qu'il y a 3 comptoirs. 3 comptoirs avec 3 personnes différentes. Vous voyez un hispanique, un homme assez jeune, à peu près la vingtaine. Vous voyez un homme type caucasien, hein, une trentaine d'années. Et une femme à peu près du même âge. Voilà. Qui sont chacun à leur guichet. Voilà. Mmh. Oh, pardon. Désolé. Du coup. Oula. Qu'est-ce que vous faites? Je ne prends pas d'accent. Attends, je suis monsieur Castro, ça passe. En vrai, il va falloir parler à quelqu'un pour, je suppose, dire mmh. Hey, regardez, on doit aller à tel endroit. Ouais. Maintenant, la question, c'est qui? Parce qu'on vient de nous aligner des personnages. Genre, allez, vas-y, choisis. Ouais, c'est ça, un c'est peu genre, ça. C'est le jeu avec les portes. Il y en a une qui est bonne, les autres non. Pas forcément, après, ça peut être. Voilà. Ouais, mais bon. Il nous demande un mandat. De quoi? J'ai peur qu'il nous demande un mandat. Oh putain, on est aux États-Unis. Ah, c'est vrai que le mandat est obligatoire. Ah, après, essayez, vous verrez bien. Attends, on donc, peut retourner en France. Option. Bon, quelle personne allez-vous voir? En gros, c'est ça. Ouais, clairement. Mais en fait, faut voir comment on s'y prend. Parce que, effectivement, si on vient et qu'il nous demande un mandat, on va avoir l'air con. Donc, option 1, on dit bon adieu. Attends. Oui, pour moi, je pense qu'on a la première option, c'est d'arriver, c'est de faire bonjour, on est du veille. Pour voir cet entrepôt, et vous avez un mandat. Enfin, soit il est sympa, il est centré, et vous avez un mandat. On est foutu parce que bon, en plus c'est des employés quoi, genre on aura beau faire des beaux sentiments, voilà, ils vont nous faire hey, mais je veux me faire virer, mais j'ai pas de mandat, voilà, mm-hmm. qui est sans doute vrai. De toute façon, ou alors la deuxième méthode que je vois, c'est la diversion, mais ils sont trois, et c'est un peu chaud de virer un entrepôt tout seul. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaye, et si ça marche pas, on tente un plan B. Parce que après, ils vont être gentils, ils vont juste faire ok. Ouais. Bon. Surtout en vrai, si la personne est un peu chelou, ce qui a l'air d'être le cas, notre cher Sarah, il y a un large moyen qui. Tu vois. Okay. Et puis, au pire, on peut faire des coups de pression. Hein. Il me semble que j'ai déjà vu quelques agents du FBI dire hey, on n'a pas le temps là pour les. Ok, coups de pression autorisés. Je pense que, ouais, si nous disent, ouais, non, franchement, repasser dans 2 semaines avec un mandat, on fait un coup de pression. Okay. Du coup, par contre, on va voir qui. Alors, attends, il y a un caucasien, c'est ça? Alors, il y a un hispanique d'une vingtaine d'années, tu as un caucasien d'une trentaine d'années et une caucasienne d'une trentaine d'années. Lequel ou laquelle est la plus souriante? Alors, je vais te faire un jet. Ok, donc Denis, tu vois que tu balayes parce que toi tu as un peu la faculté de percevoir un peu le body language des gens. Tu vois. La vision d'aigle des agents du FBI. Tu vois que clairement l'hispanique, il a l'air un peu stressé, un peu genre je regarde partout, genre tu vois il est pas à l'aise en mode. S'il a pas quelque chose à cacher, mais bon. Voilà. Ok, d'accord. C'est tu vois que le caucasien, c'est clairement un connard. C'est le gars connard. Tu vois, le connard de base. Et tu vois que la femme, elle a l'air ultra maligne, ultra. Tu vois, elle en a dans la tête. Ok, on prend très clairement le bâtiment. Excuse-moi, j'ai mal entendu ce que tu as dit. L'hispanique? Oui, excusez-moi, l'hispanique, oui. Ouais, l'hispanique. Alors, c'est clair qu'on peut lui mettre un coup de pression facilement, vu qu'il a l'air stressé. Ok. On y va direct, en coup de pression? Non, d'abord on demande, il va sûrement dire non. Et clairement, en fait, on dit que si on prend un mandat, on prend un mandat pour tous ces trucs, et je suis sûr qu'il va craquer rapidement. Donc vous y allez, bah, je vous laisse interagir avec lui. Bonjour. Bonjour monsieur FBI. Oui. qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Nous enquêtons sur le cadre d'une disparition d'une personne qui a un entrepôt, enfin qui loue un entrepôt chez vous. Nous souhaiterions y accéder. Ok, c'est. C'est quoi? C'est une enquête? C'est quelque chose de... Une enquête fédérale. C'est quoi le numéro? Excuse-moi, je regarde. C'est le 31, il me semble. Ouais. D'accord. Bah écoutez, moi je veux pas d'embrouille. Je veux pas de soucis. Vous êtes des agents de police, le FBI. Tant que vous l'ouvrez, il n'y aura aucun problème. Je vous donne la carte, mais s'il vous plaît, soyez. Vous êtes des agents, je vous fais confiance et tout. Je vous donne, mais bon, soyez discret quand même. Parce que normalement, vous savez, je devrais pas vous la donner. Vous savez, les règles, tout ça, mais bon. Voilà, j'ai confiance en les agents du FBI. Tu vois qu'il te donne la. Et tu es sûr qu'il est vraiment mal, tu vois. En gros, il te donne la carte magnétique qui te permet d'accéder à unité 31. C'est parfait. Merci beaucoup. Je prends sur un petit papier et un crayon de ma poche et je pense que je vais prendre votre nom parce que. Comment dire, c'est. Je pense qu'on voit rarement des gens si collaborateurs avec la police. Non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de prendre mon nom. Je collabore, je... Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas. Allons-y. Du coup, vous rentrez. Sans trop de problèmes. Franchement, vous êtes dit que putain, c'est du pain béni ce jeune homme. D'ailleurs, son nom, vous l'avez vu, c'est écrit sur son badge, Larry Martinez, ouais, au cas où. Et donc, vous vous approchez devant cette unité 31. Donc, c'est un bon bloc hein, de 5 mètres sur 6. Vous ouvrez la porte grâce à la carte magnétique et hop ça fait et quand vous arrivez dans la pièce vous voyez en plein milieu une pierre qui fait à peu près 1m50 de haut pour aller 80 cm de large, c'est pas un peu plus. Enfin, de diamètre, je veux dire, en soi. Au bas mot, comme ça, d'un vue d'œil, vous imaginez que c'est à peu près un truc qui pèse 200 kg, quoi, qui est assez cool, assez lourd. Hein. Vous voyez que c'est une pierre qui est polie. Comme un espèce de, vous savez, les menhirs là, un peu, ça fait un peu menhir, tu vois. C'est une pierre qui est un peu travaillée, un peu polie, ça fait bizarre. Elle est assez sombre, ça fait un peu comme de l'obsidienne, vous savez. À côté de cette pierre, vous voyez un sac de couchage, tout sale, dégueulasse. Et juste à côté de ce sac de couchage, vous voyez un seau rempli d'un mélange d'urine et de nettoyant industriel. Ça fait une odeur vraiment. Ouais, ce mélange de nettoyant et d'urine ensemble, ça fait une odeur d'un peu dégueu. Mais vous voyez que la pierre au milieu est sombre. Très très sombre. Genre c'est vraiment lisse et tout, touché. Ouais, je veux toucher pour voir. Tu touches? Oui, on touche. Alors, qui touche en premier? Moi je pense que je l'ai dit en premier, mais. Non, je pensais depuis longtemps, mais vas-y. Okay, bien. Alors, qui? Décidez-vous. Denis touche en premier. Donc, je vais te demander, Lynn, d'enlever ton casque. Oui. Denis, au moment où tu touches la pierre, tu ressens t'as une sensation bizarre où tu te sens comme si quelque chose de lourd t'écrasait en fait au niveau de tout ton corps. Tu te sens lourd, un peu comment dirais-je. Un peu pris de vertige. Et quelques instants après, tu as ta vision qui blur un peu, tu sais, que comme si t'avais de l'eau, de la buée, tout ça, et tu te vois partir à des vitesses mais comme si jamais t'as eu dans toute ta vie. Et tu vois défiler un décor, c'est comme les speed, les gens qui font défiler des, un peu comme comment dire ça, tu connais Tonnerre Mécanique? Un truc où genre en accéléré, ouais, comme si tu déplaçais à des vitesses de fou. Tu déplaçais, il y avait des immeubles, des montagnes, des lacs, des machins, des rouges. Et d'un coup, tu te retrouves dans une pièce. Le temps que tu réalises où t'es, tu commences un peu à... quand tu ouvres les yeux, quand tu reprends un peu plus ton esprit, tes esprits, tu te rends compte que t'es dans la salle de bain de la famille Bernier. Oh. En fait, tu sens en fait ta face, ce que tu vois en fait, c'est comme si t'avais ta vision qui était un peu comme si t'avais de l'eau, t'étais obstrué par un peu d'eau, mais tu vois quand même, tu t'arrives à discerner les choses, mais c'est un peu un regard, tu vois, un peu une vision un peu trouble des choses, mais tu reconnais littéralement la salle de bain des Berniers. Tu es dans la salle de bain des Berniers. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Je vais descendre. Alors, quand tu essaies de bouger, tu essaies d'avancer, mais au moment où tu vois, tu étais un peu dans l'ombre, et quand tu commences à avancer vers un endroit où il y a de la lumière du jour, tu peux plus bouger. C'est comme si t'avais un mur invisible qui t'empêchait d'avancer. Quand tu tournes, tu vois que t'es un peu à côté du miroir. Et devant toi, tu as le lavabo, machin, la porte et tout. Mais tu peux, à partir du moment où il y a de la lumière du jour, tu ne peux plus avancer. Comme si t'avais un mur invisible qui t'empêchait de bouger. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'ombre qui pourrait me permettre de descendre. Non, là, franchement, tu sens que t'es bloqué à une zone de la... et tu peux pas atteindre la porte. Si ça, j'essaie d'aller vers le miroir, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas avoir une petite commode, un machin, mais tu sens que tu peux interagir avec l'environnement. Genre mais... soulever les trucs, ouvrir les tiroirs. Ouais, tu peux. Et le miroir, je peux. Enfin, j'avais l'air d'être apparu où? Ça a été tellement vite. Tu sais juste que quand t'es arrivé, t'es dans cette zone là en fait, parce que t'es arrivé à des vitesses hallucinantes, hein. Donc quand tu réalises du truc, tu t'es là en fait, t'es juste là, et déjà il faut là que t'imagines que tu digères ce que tu viens de vivre, quoi. Pour toi c'est juste quelque chose de surréaliste. Donc à partir du moment où tu vas commencer à réellement réfléchir, c'est voilà quoi, imagine-toi. Faut encaisser le coup déjà, donc c'est un peu voilà. Donc après oui, tu sens que en touchant un peu, tu peux interagir avec des objets. Et genre il y a des choses je peux vraiment pas mettre une main au soleil ou quelque chose comme ça. Non, tu sens que dès qu'il y a une lumière, comme si t'avais un mur qui t'empêchait un mur invisible qui t'empêche d'interagir avec. De passer la lumière. Tu peux évoluer dans l'ombre, mais pas dans la lumière du soleil. Et est-ce que, je sais pas, je peux passer à travers le sol, Non. Je peux genre mettre, écouter ce qui se passe au sol, poser mon oreille, tout. T'écoutes, t'entends des gens discuter. En bas, parce que du coup t'es au-dessus et t'entends des gens, tu crois reconnaître un peu la mère qui discute avec le père dans le salon. Genre, ah, ils sont complètement fous, ces gens du FBI. Qu'est-ce qui leur arrive? Putain, mais ils ont quand même défoncé la porte, quoi. À 2h du matin. Tu te rends compte? Genre, si je hurle. Si je dis attention! Que tu hurles, c'est ça? Ouais. Et donc tu te mets un petit peu à côté de... Tu t'es déplacé un petit peu, tu hurles, c'est ça? Oui. Ok. Bah écoute, je vais te demander de couper ton casque et je vais appeler d'autres gens. Écoutez, vous êtes dans votre véhicule et pendant que vous êtes en train de discuter un petit peu, de faire le débrief de ce que vous avez fait, Kenny, ton regard se pose... Attends, on est dans quel monde là? Hein? Oui, vous êtes dans le van là. Attends, vous êtes... Ok. Tous, Kenny, non, vous deux. Ah oui, d'accord, ok. Donc Kenny, ton regard se pose un peu comme ça, hein, par pur hasard, sur les caméras de la maison. Et clairement, sans doute possible, dans la salle de bain, il y a quelque chose. Il y a une ombre. Tu n'as pas de doute possible. L'ombre est immobile. Ce n'est pas humain, c'est juste une masse sombre qui est dans la salle de bain. Il n'y a aucun doute. Je la vois aussi. Ok. Et je dis à mon collègue, je l'indique à mon collègue, je fais, on va devoir encore une fois rentrer. Ouais, mais attends. Est-ce qu'on a le numéro du gamin? Du gamin? Bon, on a celui-là du père. On a celui du père. On a que celui du père ? Ouais. Et ben on appelle le père, on lui dit d'aller voir ça. Vous demandez au père d'aller voir ? Ouais. T'es sûr ? Écoute. Il m'a l'air d'être... je sais pas. Parce que si on rentre et qu'on se fait rejeter, qu'il y a re-regard derrière... Et c'est une autre approche, une autre manière de... Après, il vous a dit, si vous pouvez l'appeler pour lui demander l'autorisation de... Il vous a dit tout à l'heure que si vous vouliez revenir à l'intérieur, vous avez juste à lui demander. Vous n'avez pas juste pas à tout péter la porte, quoi. Donc après, si vous voulez rentrer et prétexter que vous devez aller voir quelque chose, il ne va pas vous dire non, parce qu'il vous a dit que c'était possible. Mais juste qu'il faut le prévenir, c'est tout. Le truc, c'est que si nous on rentre, est-ce que c'est pas nous qui allons le faire fuir le truc? Bah après... Ouais, mais si... S'il bouge lui, c'est lui qui va faire fuir le truc. Tu penses? Ouais, je pense. Je sais pas, c'est peut-être lié à eux, donc... C'est peut-être un truc qui... Écoute, je pense qu'il faut qu'on sache si c'est l'enquête qui est prioritaire ou si c'est la survie des gars. Je pense que c'est leur survie la priorité. Ouais, c'est pas faux. Donc, tant pis, si on se prend des problèmes, il faut qu'on y aille nous et qu'on... J'appelle le père et je préviens qu'on va... Ok. Mais écoute, le père, il te dit, ok, pas de soucis. Bon, pourquoi cette fois-ci, vous avez pas besoin de casser la porte? De toute façon, on l'a pas encore réparé. Donc, vous inquiétez pas, l'histoire est défrayée. Vous vous dirigez donc vers... la salle de bain, la porte est fermée. Et avant même d'ouvrir la porte, vous entendez un... T'as le cancer ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Non mais... je pense qu'on dégaine et on ouvre la porte. Ouais. Ok, donc vous ouvrez la porte. FBI, bougez plus. Au moment où vous ouvrez, il y a rien du tout dans la pièce. Je vais vous demander maintenant de couper vos casques, s'il vous plaît. Putain, bordel de merde. Putain, finesse, mais c'est pas possible. Ok. Au moment où tu es en train de gueuler, d'un coup, tu vois la porte de la salle de bain qui s'ouvre. Et au même moment, du coup, que la porte s'ouvre, tu as fait une rentrée de lumière qui, littéralement, tu sais pas comment, te propulse dans un tout petit recoin de la pièce, comme si tu étais la lumière t'avait repoussé en fait plus loin dans un tout petit recoin, donc t'es vraiment un tout petit endroit bien sombre de la pièce. Et là tu vois Marc et tu vois Kenny qui sont en train de braquer leur arme dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? Lumière, la lumière pour la tuer. Elle peut venir de n'importe où. C'est de leur parler. Donc tu leur dis ça littéralement ou tu dis autre? Ok, donc tu dis lumière, lumière pour la tuer. Elle peut venir de partout, c'est ça? Oui. Oui, j'imagine que je fais pas quelque chose non plus d'hyper cohérent quoi. Elle peut venir. Ok, ok. Mais qu'on apporte, je suis un peu sonné par tout ce qui est arrivé. Enfin, j'essaye de leur dire ça. Ok. Bon, je te demande de couper ton casque, bien sûr. Fuyez ! L'ombre ! Marx. Bon, il veut pas venir, notre ami Marc là. Oui. Pardon. Quand vous arrivez dans la pièce, vous êtes en train de montrer votre arme et tout. Ah, j'ai pas entendu. Vous êtes dans la pièce, vous rentrez dans la pièce, vous montrez votre arme, vous ne voyez rien. Et là, d'un coup, vous entendez la lumière, pour la tuer. Il faut la lumière. J'éteins la lumière. Non, enfin, la lumière est allumée ou éteinte dans la... En fait, là, en fait, vous voyez que la fenêtre, il y a de la lumière. Et vous, quand vous avez ouvert la porte, ça a amené la lumière dans la pièce. La lumière du jour. La lumière du jour est arrivée dans la pièce ? Mais en fait, là, il fait jour. Donc, dans la pièce de la salle de bain, la lumière, elle rentre par les fenêtres de la salle de bain. Et vous, quand vous avez ouvert la porte, ça ramène encore plus de la lumière, puisque en fait, ça vient de l'extérieur. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, il faut pas qu'il y ait la lumière. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je referme tout doucement la porte. Tu refermes la porte ? Ouais. Ok. J'ai toujours le flingue en mode... Ok. Bah là, vous avez le droit d'enlever les casques. Ça, c'est le moment un peu ping-pong, tu vois. D'accord. Allez, Antoine. Tu vois que Marc ferme la porte. Donc toi, d'un coup, tu peux revenir. Tu es devant eux. Tu es dans ta puce d'espace. Et limite, tu peux te rapprocher d'eux. Tu peux pas les atteindre totalement parce que tu as la lumière de la salle de bain. Mais tu peux rentrer. Tu peux te rapprocher d'eux. Qu'est-ce que tu fais? C'est Denis. Denis. Je vais essayer de leur parler, j'essaie de me toucher. Bon, si je peux essayer d'au moins d'attraper un bout qui passe en avant. C'est Denis! Ouais? Denis! Denis! What? Denis! Denis! Elle. Elle peut passer n'importe où! C'est qui parle? Denis. Qui parle? Qui parle? Denis! Qui parle, bordel? Bah, il te dit, c'est Denis! Ah, mais il dit son nom, c'est comme un Pokémon, d'accord! vous connaissez un Denis, mais. Attends, Denis, c'est où qu'on entend? Ben là, clairement, en face de vous, maintenant, vu que Marc a fermé la porte, vous voyez une ombre noire en face de vous. Et vous êtes clairement déstabilisé. C'est juste un truc de malade, tu vois. Je limite, voilà. Et cette ombre vient de vous dire, c'est Denis. Denis. Quoi? Comment? On tire. Bah après... non, oui, c'est vrai, je suis tenté d'avoir la même réaction parce que c'est pas normal. Je suis amené avec un, j'ai envie de tirer. J'ai la gâchette qui brille là. Je tire pas, mais je suis là en mode. L'entrepôt, la pierre, le sac de couchage, la pierre. Il est friki, ça fait mal. Après, okay, tu peux parler normalement, hein. T'as pas besoin de faire du truc mystique. Hein. Un coup oui, deux coups non. Après, non, tu sens quand même que tu peux parler normalement. T'as pas de difficulté à t'exprimer. Après, c'est juste que ta voix est très atténuée, très dans le souffle, en fait. Très dans le chuchotement. Mais tu peux pas. Tu peux parler normalement. Non, mais là, c'est horrible. Là, qu'est-ce que t'as foutu comme connerie? Là, tu veux qu'il tire, c'est obligé. Tu peux pas dire. Ouais, bah c'est Denis, je suis ouais, là. Non. Ok, c'est Denis, c'est une centrale nucléaire, ça n'explose pas. Den. La pierre. Elle veut tuer la fille par la pierre. Quelle elle pierre? Elle est n'importe où. Dans l'entrepôt. Quel entrepôt? Mais putain. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Est-ce que. Je sais pas. Appelez-la. Appelez-la. Il vous dit d'appeler. Appelez. Céramique. Céramique. Sarah. Téléphone, je tire en joue. Non, il dit Caramite. Il dit d'appeler Lynn, en fait. Oui. Bah, je gueule à Kenny. Prends le téléphone, je tire en joue. Ok, bah j'appelle Caramite. Elle peut passer n'importe où. Elle, il doit y en avoir une plus grosse. Voilà, comment. Je sais. Et je te jure que j'ai envie de lui tirer dans la gueule. Maxime. Mais me tirez pas dessus. Tu as ton téléphone qui sonne. Je ne décroche pas. Voyons. Allô. Alors, oui, attends, juste avant, avant que tu parles, tu as vu littéralement Denis, au moment où il a touché la pierre, disparaître. D'un coup. Il s'est passé à peu près 10 minutes. Et là, tu as un coup de téléphone qui sonne. Donc, du coup, j'ai rien fait pendant 10 minutes. Après, si tu voulais faire quelque chose, après, vu que ça s'est enchaîné, j'ai pas... là, j'avoue, c'est un moment un peu délicat à faire. Mais si tu as quelque chose que tu voulais faire pendant 10 minutes, tu peux me le dire maintenant. Non, ça risque de niquer toute la temporalité, je pense. Parce que sinon, moi, je touche aussi la pierre. Donc. Il était perturbé, voilà. Ça a perturbé, il a choqué. Bon, en même temps, voilà, tu aurais touché la pierre, en gros, t'aurais rien eu. C'était comme ça, tu vois. Ah, mais t'as... Okay. Donc, téléphone sonne. Voilà. Moi, je décroche. Caramite, qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'ombre, elle parle. L'ombre, elle parle. L'ombre, le truc. Il parle. Il parle comme Castro, pas le dictateur. Qu'est-ce que vous avez foutu comme. La révolution, ce n'est pas une teste, siempre la victoria, compañeros. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Elle est où l'ombre? Elle est dans la salle de bain. Tu sais pas comment. Qu'est-ce qui se passe? Je veux redevenir normal. Il dit des trucs. Bah, j'ai quoi autour de moi? Tu as la pierre, un seau avec de l'urine et du. Ouais, du... déjà je verse le seau sur la pierre pour voir. Il se passe absolument rien et ça pue encore plus. Ça c'est pas grave, de toute façon on est déjà passé par pire avant. Et il y a que ça dans le. Ouais, c'est le sac de couchage, la pierre et le seau rempli d'urine. Et de produits. Aidez-moi! Ah. Mais ta gueule, je réfléchis! Il parle de trucs! Il parle d'un entrepôt! T'es dans un entrepôt! T'en as vu un, quelque part? Mais putain, mon blading! Mais oui, on est dans un entrepôt! Enfin, on était. Enfin, je suis, moi! Ah, moi, je sais pas qu'on m'ait dit que vous étiez un entrepôt, mais. Bref. Mais on a dit qu'on y allait! Il fallait écouter la conversation! Oui, mais quel entrepôt? Où? Que? Quoi? Comment? L'entrepôt, c'est l'unité 31 à Lockheim, 701-308 Nord, 401! Comment tu veux qu'on y aille ici? Mais... pourquoi tu veux venir? Denis, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'entrepôt? Libérez-moi, je sais pas comment faire! C'est quoi? Non, ça va suivre. Du coup, moi, je reviens à ma question initiale. L'entrepôt, on est bien d'accord qu'il est au sol. Il est au sol? Oui, il est au niveau du sol. Il est pas. Ouais, c'est au troisième étage. Ah, lui aussi au troisième étage. Ouais, 31, unité 31, c'est au troisième étage. Elle aime bien les troisième étage, tout ça. Pff, y a rien. Il parle d'une pierre. De merde. Oui, la pierre devant moi. Elle fait un truc avec la pierre. Mais je peux rien faire de plus. Mais je sais pas, il est pas clair le fantôme. Le fantôme. Mais tu sais pas. Mais je sais pas, aidez-moi. Mais moi je suis pour détruire la pierre, mais y a rien pour la détruire. Est-ce que t'as une idée, toi qui fais partie de la police, tu sais, les gens qui réfléchissent moins et qui. Non. Tire dessus. T'as un flingue? Bah normalement on avait pris le minimum vital de ce qui était du truc du FBI, donc normalement on a chacun notre Glock, oui. Est-ce que j'ai mon flingue? Ah bah si tu veux tirer dessus, tu peux essayer hein. Bah on tire une balle et on regarde ce qui se passe hein, dans la vie, c'est, on appelle ça l'expérimentation. Ferme la porte. Attends. Oui. Attends. Juste une question pour être sûr, est-ce que tu vois mes messages Antoine? Oh. Parce que je veux bien être sûr que. Parce que je veux bien être sûr de ça, parce que sinon, si tu l'as pas vu. Moi, c'est bon, moi. Karamit, ouais. Je propose qu'on tire tous les deux en même temps. Ok. 3, 2, okay. Non. N'écoute pas. Il est démoniaque. On le tire en même temps. Bon, alors, je tire. Enfin, vous tirez. Mais non. Alors, au moment où Lynn, tu t'apprêtes à tirer, tu vois en fait la pierre qui commence un peu à s'illuminer devant toi. Oh, c'est bien. Et. C'est bon, il va revenir, je crois. Et d'un coup, tu vois Denis qui réapparaît devant toi. Et elle lui tire dessus, du coup. Et quand, quand tu réapparais devant. Devant, Denis. Ah, attends. Oh, de balle. Tu vas sûrement puer la piste, Denis, je suis désolé. Tu t'effondres par terre. De fatigue, hein, j'entends. T'es pas mort. Hein. Tu vois Denis qui s'effondre, genre comme s'il était. Un épuisement le plus total, il est en sueur, il est totalement épuisé quoi. J'ai oh bah il est là! Et nous, notre ombre, elle a disparu. Et attends, je vais faire un jet de chance pour savoir si tu tires pas dessus quand tu arrives. J'ai vraiment l'impression. L'ombre a disparu ou pas? Juste au moment où t'as le réflexe de ne pas tirer. T'as de la chance. Bon, après, dès qu'une paire, tu mets. Non, bah du coup, c'est bon, il y a Denis. Et vous, de votre côté, de cette merde. Au moment où. Au même moment, l'ombre disparaît. Ah, ok. Ok, quoi que vous ayez fait, ça a marché. J'ai rien fait. Ah, si, ça a marché. C'est toujours la solution, faut toujours tirer. Attends. Je comprends que dalle. Aidez-moi. Moi, j'ai compris. Enfin. Mais cette pierre permet de changer de dimension ou un truc du genre. Et enfin, t'as Denis pas... a disparu. Il s'est retrouvé en ville chez vous. T'as fait mes quoi exactement? Mais comment tu me poses la question? C'est toi qui viens de m'appeler parce que il y avait l'ombre qui vous parlait et c'était Denis. C'était fait. Certes. Tu peux pas me mettre en doute maintenant. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je pense que cette pierre, du coup, peut-être que la mer est dedans, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il y avait deux lits, je ne pouvais pas rentrer dedans. Mais il y avait une ombre avant que deux lits soient rentrés dedans, on est d'accord. Donc ça veut dire que sûrement, cette ombre, ça pouvait être la mer. Qui est rentrée dedans et qui... Oui. Et qui est sortie. Par contre, la question qui est, c'est que... Si je ne pouvais pas rentrer alors que Denis était déjà dedans, pourquoi Denis a pu rentrer? Ah, là là. Si la mer est déjà dedans. Elle est entièrement pas. Qui elle est entièrement passée chez nous. À moins qu'elle soit toujours dedans. Denis, qu'est-ce qu'il y a? Articule. Alabama, oui. Oui, non, c'est là où ça. Clairement, tu vois que Denis, il est choqué. Ah putain, il va finir l'hôpital psychiatrique. Denis, il est pas bien, quoi. Pierre. Chut, Denis, dors. Je te ramène à la maison. Nous, qu'est-ce qu'on fait? La pierre. Oui, il va falloir faire un truc de cette pierre. Tu as raison, Denis. Moi, je passe le téléphone à mon collègue et ouais. Je vais vers la chambre de la fille. Okay. Parce que je me dis... Un minimum de crédit à leur histoire de taré qui a aucun sens. S'ils peuvent rentrer dedans, c'est qu'elle est entièrement passée. Mais qu'est-ce que t'entends par entièrement passée? Je sais pas. Vous... Attends, Denis, je fonce. Elle est peut-être sortie de l'autre côté, mais ouais, vas-y, fonce. En sachant que toi, de ton côté, Lynn, tu as essayé de toucher la pierre. Quand oui, il était à l'intérieur, il ne s'est rien c'est passé. C'est ce que du j'ai tout. Dit. Merci de répéter ce que je dis, monsieur le MJ. Voilà. Donc en gros, de par ta déduction intellectuelle, parce que tu es très intelligente, tu comprends que si une personne est à l'intérieur, une autre personne ne peut pas rentrer à l'intérieur. Oui, c'est ce que je dis, et c'est pour ça que je dis que tu as un problème, parce que si Denis est rentré, ça veut dire qu'elle n'était pas dedans, et pourtant l'ombre, il y a forte chance que ce soit elle. Du coup, qu'elle est au fuck. Elle s'est servie de lui pour s'en sortir. Mais ça marche pas comme ça, parce que Denis est sorti tant que je rentre. Mais ça, non. Ou alors je te dis juste, avec les éléments qu'on a, c'est-à-dire Denis a disparu, vous m'avez appelé pour dire qu'il y a une ombre qui parle de... Denis, je sais, on va aller à Alabama. Attends. T'inquiète pas, Denis, on va y arriver. On essaie juste d'éclaircir cette situation. Plus gros peut-être. Il y a une autre pierre à Alabama, c'est ça que t'essaies de me dire, Denis? Peut-être. Ah putain, Denis, t'es très intelligent. Même dans cet état, je suis fier de toi. Non, clairement, on s'en occupe juste avant. Pour vous restituer quand même ce qui s'est passé de mon côté, parce que moi, j'ai vu juste Denis disparaître, hein, tu vois, genre quelque chose de tout à fait rationnel, finalement explicable. Et après, vous m'avez appelé, vous avez dit qu'il y avait une ombre qui parlait comme Denis, et qui se trouvait dans la salle de bain. Bon, bah par conséquent, on fait des déductions qui n'ont certes aucun sens, mais qui semblent être la théorie la plus probable. Du coup, Denis s'arrête pas de répéter Alabama et pierre, donc je suppose que peut-être qu'elle aurait une autre pierre à la Alabama, ce qui expliquerait pourquoi elle a fait le chemin jusqu'à là-bas et qu'elle s'est arrêtée à la Floride. hypothèse. Hein. Ouais, vas-y. Non, hypothèse. Hein. Oui, c'est une hypothèse, je sais. Mais en gros, t'es en train de dire qu'elle aurait fait une halte en Alabama? Non, il est en train de dire qu'il y a une autre pierre à Alabama et c'est avec celle-là qu'elle est rentrée et qu'elle sort. Oh, une autre pierre. Elle a peut-être un petit morceau. Est-ce qu'il a l'air coupé à un endroit ou il... Non, c'est un truc poli, parfaitement d'un bloc. Je sais pas, il a pas de répéter à Alabama, c'est le mec qui est rentré dedans, il a peut-être une information qui peut être. Ah, bah après, clairement, tu sens qu'il est dans un état de choc. Hein. Là, tu le vois, il est. Oui, il répète des... à Alabama, donc il y a pas cohérent. Il est pas cohérent. Mais oui, après. Kenny, il y a quoi dans son affiche? Non, éduction. Éduction. Éduction. Kenny, y a quoi? C'est déduction. Même. Alors là, c'est le joueur qui parle ou c'est le personnage qui parle? Parce que... Le personnage. Ça m'étonne s'il est high. Mais vous comprenez pas très bien la personne en état de choc. Je vois que bon, c'est encore moi de m'en occuper. Il disait déduction. Donc on t'écoute, Denis. Pas sûr. J'ai pas entendu. Tu es rentré. J'ai marché. Je suis. Je crois qu'il veut qu'on l'achève. Ils sont dans les murs. Ils sont dans les murs. Mais en vrai. Marché Floride. Non, oui, d'accord. Marché dans. En vrai, il y a quand même cette question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, genre, que si Denis est rentré, c'est-à-dire que la mère n'y est pas dedans actuellement, donc ça veut dire que sûrement qu'elle a soit une sortie, soit une connerie comme ça, et du coup, où est-ce qu'elle pourrait être de manière le plus probable? Alabama. Alabama, on est d'accord, mais. Peut-être dans la chambre de la petite, là où je vais en ce moment, au ralenti. Bah, est-ce qu'elle est dans la chambre de la petite? Dis-moi tout. Je marche un peu au ralenti. Là, vous avez eu le temps de discuter 6 fois avant que j'arrive. Non, c'est clairement, tu prends le temps, tu prends le temps d'aller dans la chambre de la petite. La petite, elle n'est même pas dans la chambre. Elle est en bas avec ses parents. Et il y a rien dans la chambre. Ok, je descends voir la petite. Ok. Je descends la petite. Tu vois le père qui te dit. Bon alors, vous avez trouvé quelque chose? Attends, ils ont pas entendu le bruit de coup de feu. Ah, ça avait vraiment tiré? Bah oui. Ah merde. Quoi? Ah bah non, mais moi je... Ah, j'avais pas pris... Mais écoute, pendant que tu calcules le coup de feu, moi, voyant qu'il y a rien à faire, je vais fermer le portail, prendre Denis, et on va partir en voiture tous les deux. Donc tu laisses la pierre, tout ça, tel quel... J'hésite à faire un dernier retour pour essayer de la défoncer, mais... Oui, bon, je vais poser Denis en voiture pour qu'il soit tranquille. Je vais prendre de l'équipement dans la voiture. On va avoir un pied de biche, un truc comme ça. Ouais. Et je vais essayer de défoncer la pierre au corps à corps. Ok. Mais occupe-toi d'abord du coup de feu. C'était juste pour te dire, comme ça tu traites les deux en même temps. du coup, tu tires. Donc forcément ça affole tout le monde. Tu as le père qui part avec sa femme et sa fille se cacher immédiatement dans la chambre d'amis. Parfait. Voilà. Et sinon pour le truc, attends. Voilà, ça va te prendre à peu près Lynn, à peu près. 15 à 20 minutes pour bien la marave, parce qu'elle est costaud quand même. Et puis comme toi t'es pas non plus une foudre de guerre en physique. Tu dis ça parce que je suis une femme? Non, parce que je vois tes stats et tout. Du coup la réponse est beaucoup trop pénible. 15-20 minutes plus tard, tu as pété la pierre. Salope. Voilà. Et au même moment, tu vois le hispanique qui commence à arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Un Alabama. Non, mais t'es en voiture. Qu'est-ce qu'il a, votre collègue? Non, lui, il est en voiture. Ah d'accord, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Mais pourquoi vous êtes tout cassé? C'est quoi ça? C'est une perquisition. Ah, oh, puis ça pue là-dedans. Mais c'est quoi ça? Oui, d'ailleurs, vérifiez à qui vous louez vos locaux, hein, parce que quand même, ça, c'est dégueulasse. Hein. Donc, si vous voulez pas que j'envoie une perquisition pour tout le reste de vos locaux, vous avez intérêt à faire gaffe à qui vous louez. Hein. Merde. Et, logement pas déclaré, SDF, sac couchage. Il est en train de parler tout seul dans sa voiture. Okay. Là, c'est-à-dire qu'il est un côté omniscient, on le sait, du coup. Du coup, tu pars avec la pierre éclatée. D'accord, et du coup, c'est bon, le mec, je lui ai mis un assez beaucoup de pression, il arrête de faire chier. Ouais, il t'emmerde pas, il referme le truc, et tu leur donnes la carte et vous vous barrez. Vous faites quoi, là, de ce côté-là? Bah, nous, on va aller à Bama. On va rester en contact audio avec les deux cons, là. Surtout qu'il y en a un qui a tiré. Mais vous allez où en Alabama? Parce que c'est grand, là. Mais vu que j'ai pris la carte en photo, genre... je vais aller à l'endroit qui correspond géographiquement à là où elle a mis la punaise, si elle a mis au pif. Et ben en fait, ce que je te disais, c'est que au niveau de l'Alabama, ce sont des traits à la main dessinés grossièrement. Il y a même pas de point précis en Alabama, c'est juste des traits dessinés à la main comme D'habitude, je peux faire des recherches pendant que Denis s'y conduit, maintenant je peux pas là. Putain, Denis, réveille-toi! Là, en gros, quand tu te rappelles le dessin, c'est comme si un enfant avait fait dessiner une ligne droite. Donc, en gros, c'est pas du tout droit. Et c'est dessiné à l'arrache, quoi. Comme si tu fais un trait. D'accord. Ouais, mais en vrai, j'étais en photo. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen d'analyser. Ben, ça pointe. Ouais, ben, dis, tu regardes. Pour toi, clairement, ça pointe rien de spécial. Mais. Vas-y. Genre, pour reprendre mes esprits un peu. Ouais, bah attends, je vais voir si tu reviens à toi. Le pauvre, s'il finit comme ça pendant toute la session. Tu reviens à toi. Tu reprends le contrôle. Ok. Il y a quoi comme point précis avant? Avant Alabama, c'est le truc juste au-dessus, j'ai oublié le nom de la région, mais. En gros, c'est précis d'ici jusqu'à. Tennessee. Il y a trois étapes. C'est le Tennessee. Tennessee, t'as des points. Tu as des points avec machin, mais c'est en plein milieu de nulle part. Pas une ville, rien du tout. Ça doit être un vieux motel, tu sais, les trucs de route. Je pense que c'est juste qu'elle s'est fait un trajet. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'elle s'est foutue à Alabama? Et si effectivement c'est là qu'elle se cache, c'est normal que sur sa carte elle a pas fait un joli rond rouge. Je suis ici si vous me cherchez. Mais il y a moyen de, je pense, de résoudre ça. Vu que t'as repris tes esprits, Denis, et j'en suis très contente, tu vas conduire pendant que moi je vais essayer de faire des recherches, tout ça. Essayer de voir si je peux pas faire des corrélations avec les autres informations qu'on a eues. Okay. Et on va voir ce que ça donne. Notamment avec le dessin, parce que, vu que c'est fait à l'arrache, je suis presque sûr qu'en alignant certains traits, il y a peut-être moyen de retrouver la forme du symbole ou quelque chose comme ça, tu vois, genre de. Quelque chose comme ça, quoi! Le symbole de la porte. Oui! Oui, mais c'est quand tu fais quand tu fais le truc des traits, tout ça, que tu essaies de trouver des corrélations et tout, tu te rends compte que ce sont des traits avec des punaises. Et je te montre le jet que tu as fait. J'ai fait un 3, donc c'est-à-dire que je suis fort. Ouais, et ben tu te rends compte que c'est un trait avec des punaises. Quoi? Est-ce que tu peux détailler ce que ça veut dire la phrase un trait avec des punaises? Ça veut dire que tu te rends compte que c'est juste une direction, et que ça n'a pas de sens particulier, ça ne représente rien de particulier. C'est juste une direction qui amène vers une autre direction. Mais c'est quoi l'autre direction du coup? L'Alabama qui est tiré. En gros, ça se passe en Floride. Il y a rien au milieu, quoi. Ça n'a pas. En gros, tu sens que elle a fait ça uniquement pour essayer de retrouver la trace de la famille et que ça la menait en Floride. Bon, bah du coup, je sors un morceau de la pierre, parce que t'as dit que j'avais ramassé des morceaux de pierre, donc je sors un morceau de la pierre pour l'avoir devant moi, au cas où il se passe un truc, ça se met à briller, un truc... Rien du tout, là, tu... Il se passe, non, mais je me doute, c'est sur le trajet. Et nous, on va retourner, du coup, en Floride, Puisqu'apparemment c'est par là que c'est, vu que normalement il est toujours en contact TFM. Donc si je pense, autant qu'il se passe tout ça, il y a peut-être des gens qui vont avoir de la panique avec des coups de feu, tout ça. Oui, ouais, si je peux les appeler, pareil. Enfin, tu les appelles, tu leur parles. Eh bien, disons que on va faire en sorte que vous allez avoir votre avion assez rapidement. Que pendant le vol, l'autre équipe, donc toi Kenny et toi Marc, vous prenez le temps de calmer un peu la famille puisque t'es en état de choc complet. Quelle excuse vous sortez pour essayer de calmer un peu On tire sur Sarah. En fait on essaye. Enfin, y a pas vraiment d'excuses à avoir là. C'est maison sous quarantaine, la totale. On les fait sortir. Mais... Justement, joue là, c'est bien ça, genre, voilà. Tu la joues en mode posez pas de questions. Voilà, je posez pas de questions, vous sortez. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un motel. C'est vous qui avez tiré. Mais sinon. Oui, je vais retirer dessus. Posez pas de questions. Ne posez pas de questions. Bon, attention, ils s'exécutent, hein, ils ont pas envie de. Là, t'es en mode. Voilà, donc ils s'exécutent, ils rentrent dans le véhicule. Voilà. Ouais. Ils sont à l'écart. Non, mais je les oblige même pas à rentrer dans le véhicule. Je leur donne l'adresse d'un... Tu donnes quoi? Je leur donne l'adresse d'un hôtel, je leur donne assez d'argent, et ils y vont. Ouais, c'est vraiment en mode protégez-vous, quoi. Genre, c'est ça. Ok, bon, ils sont un peu choqués, en état de choc, ils y vont. Ils font ce que t'as dit. Et vous êtes seul dans la maison. Honnêtement, le temps que les autres arrivent, il ne se passe absolument rien du tout. Bon, du coup, quand ils arrivent, bien entendu, on tourne un peu dans la maison. C'est ça. Voilà, vous tournez, vous regardez à droite à gauche, il ne se passe rien. Les autres arrivent, donc il s'est passé à peu près 4-5 heures, le temps qu'ils se pointent. Là, on va dire qu'en gros... Il est, 21h, en gros, avec tout ce qui se passe et tout le temps de machin, il est à peu près 21h, la nuit va tomber, vous êtes dans la maison, tous les quatre. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? On a vécu beaucoup trop de choses qui sont pas du tout normales. Oui, je comprends pas. Moi non plus, enfin, j'ai une explication. Tout le monde est dans son état normal ou pas? Oui, Denis est revenu à lui. Denis sera revenu. Après, vous êtes quand même tous un peu sur les nerfs. Ouais, tous choqués. Sur ouais. les nerfs. Tu sens quand même que Lynn, elle clairement, elle essaie de cacher son état de choc par de la rationalité, même si en soi, vous imaginez bien qu'elle est. Elle est en état de choc parce qu'elle a vu disparaître une personne et réapparaître une personne devant elle. C'est juste pas possible normalement, tu vois. Donc elle joue la carte rationnelle pour tenir le coup, mais clairement, voilà. Et que vous deux, vous êtes pareil, vous êtes à fleur de peau, rien peut vous faire dégainer et tirer dans le tas, quoi. Donc là, vous êtes vraiment. S'il se passe quelque chose ce soir, ça va être. Bowling for Columbine, tu vois, ça va tirer partout. Quoi. Alors moi, je trouve que c'était une très mauvaise idée d'envoyer la famille dans un hôtel. Écoute, au moins ils posent pas de questions et voilà. Mais genre si elle était déjà là, qu'elle les a suivis et que. Ouais, moi en vrai c'est le truc qui je me dis, c'est pour elle les a suivis, mais c'est super. Non, mais les hôtels, il y a plein de monde, elle prendra pas de risque. Mais qu'est-ce t'en sais, tu la connais? Putain, mais t'es vraiment un incompétent. Genre, écoute, pardon. Vous êtes vous êtes en train de discuter depuis un petit moment, parce que là vous êtes en train de polémiquer sur mais pourquoi, mais fallait pas l'envoyer, fallait le garder avec nous, mais non, je suis sûr qu'il fallait les mettre hors de danger. De toute façon, c'était ça notre but, hein, c'est la rendance du machin. Votre téléphone, le téléphone de Lynn sonne. Réponds pas. Il y a un numéro dessus. C'est un numéro, mais tu le connais pas forcément. Bon. Je décroche et je mets sur le parleur. Ah oui, bien entendu, réponds au téléphone, connasse. Mais tu veux quoi? C'est le mec qui a pas le temps de parler au téléphone, il entend nous engueuler. Vous entendez. Bonsoir, Lynn. Bonsoir. Je suis assez surpris de la manière dont vous avez un peu géré la situation. Mais il faut croire que quelque part vous avez quand même réussi le test. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment. Je me doute que peut-être à cet instant vous êtes un peu tous en état de choc et ça paraît compréhensible par rapport à ce que vous avez vécu. Mais même sur la fin où on a trouvé que vous avez géré un peu ça de façon un peu complètement pas illogique mais un peu de façon brutale et irrationnelle, au final vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Je ne peux pas trop vous en dire plus par rapport à ce que vous avez évidemment vu. Je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ce que vous avez vu. Maintenant, attendez. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous débarrasser de tout ce qui a trait à ce que vous avez fait. En soi, tout ce qui a trait avec la pierre, tout ce qui a trait avec cette porte, je veux que tout disparaisse. Ok. La famille aussi. Non, la famille, c'est bon, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Par le plus grand des hasards, heureux hasard, vous avez réussi à les épargner de tomber sur quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Car il est vrai que s'ils avaient vu quelque chose. Voilà. On peut foutre le feu à la baraque. Non, juste attendez. Est-ce que la famille Bernier. Pour tout supprimer. Pardon ? Est-ce que la famille Bernier est en sécurité ? Ah bah, la famille Bernier est en sécurité. Vous les avez mis dans un hôtel. Il n'y a pas de. Attendez. C'était vrai ou mise en scène ? Ouais. Il va falloir nous expliquer quand même quelques petits trucs. Hein, quand même, hein, parce que... Je. Dans un premier temps, vous allez déjà vous occuper de ce que je vous ai dit. Donc je veux que la porte disparaisse. La porte que avec le logo. Enfin, la maison. La maison, non, la maison elle peut rester telle quelle. Il n'y a pas de problème. Je veux que tout ce qui est pratique pour tout supprimer. Tout ce qui a un attrait, un lien avec la chose que vous auriez vue, doit disparaître. Si vous avez des informations. Si vous avez trouvé des informations qui auraient un lien avec cette chose, okay. Tout ça doit disparaître. Okay. Ouais, bon. Cool. J'ai vraiment hâte que vous repreniez contact. On est très content qu'on soit drogué, etc. À la prochaine, bisous. Okay, Bon, avant que tu la jettes là, dire que vous aurez un débrief. Et là, j'essaie de vous serez contacté pour un débrief dans quelques jours. Sans doute. Bon, du coup, on va dans un coin paumé en dehors de la ville, on crame tout et après. Et surtout, on vide toutes les réserves d'alcool de la maison parce qu'on a besoin. Et bah, tu sais, je suis pas toujours d'accord avec toi parce que tu es un militaire, mais cette fois que je le suis. Je vide tous les dessins de la petite fille. Oui. Oui. Non, mais totalement. Ça, je tiens. Les caméras aussi. Dessins, les caméras. Les caméras et les PC. Les PC, parce qu'il y a trace qu'on était là dans les PC. Oui. Ouais, les PC. Les contrôleurs. Genre de l'FBI qui vient. Format. Hard format. C'est ça, on leur rend une version juste plus gentille. En gros, on récupère tous les éléments, les dessins, les portes. Oui, qu'est-ce que t'as mis des traces dehors ? Non, mais je veux dire, j'ai donné mon nom, je dois me supprimer. T'as donné ton nom, ton vrai nom ? Bah oui, j'avais donné mon nom pour par rapport à la police. Quand je me servais de mon rang dans la LAPD. Ils ont dit par rapport à la chose. Oui, par contre. Peut-être par rapport à la drogue. Et juste, du coup, la joie, du coup, comment tu vas faire pour la retirer, la balle qui est encastrée dans le mur maintenant ? J'estime que vous avez le temps. Là, les parents, ils sont pas là, vous avez le temps de bosser là-dessus. Alors, on va appeler un maçon pour qu'il refasse le mur. Non, mais. tu peux très bien enlever la balle et voilà, c'est pas bastard. Et puis en vrai, on peut appeler un maçon pour qu'il refasse le mur parce que de toute façon, c'est tout à leurs frais, hein, je vous rappelle. Donc nous, on fait ce qu'on veut. Mais en vrai, voilà, on récupère tout et moi je dis, on sort de la ville, tu vois, on se prend un petit coin, je sais pas si c'est forêt ou quoi, je connais pas les paysages là-bas. Tu balances ça dans les marais avec les alligators. Non, le feu. Les marais, on peut récupérer les composants et les analyser. Le feu, une fois que c'est cramé, c'est cramé. Bah, tu crames, tu vas dans un coin dans un, je confirme. Perdu dans les marais. Tu vas dans un coin perdu dans les marais, tu crames tout. Tout à fait. Te voit. Ouais, pour ça, c'est facile, vous êtes tranquille, vous êtes au calme. Ouais. Après, c'est juste qu'il va falloir un peu de temps pour digérer tout ce qui s'est passé. À savoir, est-ce que ça a été vrai? Est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on est drogué. Je pense qu'on nous a drogué. Mais. Ouais, non, on réunit tout, même le PC et tout là qu'ils nous avaient filé. De toute façon, il doit avoir je sais pas combien de thunes, ces mecs-là. Donc, on réunit tout et on crame tout. Et puis voilà, comme ça, après, ils sont contents, on a tout supprimé. Les morceaux de pierre, par contre, je sais pas si ça marche dans le feu. Bah, les pierres, après, oui, t'en as laissé une grosse partie, de toute façon, dans le local. Mais bon, est-ce qu'on doit supprimer le local? C'est des cailloux, quoi. Honnêtement, c'est de la caillasse, quoi. Ouais, bah, ce que j'ai, je jette dans les marais. J'en fous. C'est pas personne d'aller plonger. Attends, il y a un caillou dans la marée avec les alligators. Et donc, bah, vous faites tout ça bien, parfait. Vous avez supprimé toutes les. Voilà, vous avez supprimé la carte. Oui. La carte où il y avait le machin de la Floride, ils avaient supprimé le message bizarre, le poème, la porte, la serrure, la clé, machin. La porte, vous avez brûlé la porte. Voilà. Vous avez tout bien fait, vous avez tout récupéré, vous n'avez laissé aucune trace de votre présence. Tout s'est bien passé. Et du coup, eh bien, vous rentrez chez vous. Et vous attendrez que le programme vous appelle pour faire un débrief.